L'actualité à Nancy et ailleurs. L'école des musiques actuelles de Nancy, l'EMAN, fête ses 30 ans cette année et nous recevons aujourd'hui son directeur, Pacho Ménard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de cet anniversaire que vous fêterez du 8 au 11 mai 2025, c'est ça ? Tout à fait, bien joué. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'EMAN et ses missions ? Alors l'EMAN, c'est une école de musique associative qui est soutenue principalement par la ville de Nancy. En fonctionnement, on est soutenu aussi par la métropole et la DRAC. Et notre mission, c'est de faire de l'enseignement des musiques actuelles. On a deux gros axes qui sont les cours individuels, mais on n'est pas forcément ultra nécessaire là puisque beaucoup de gens proposent ça. Par contre, notre axe prioritaire, c'est les pratiques collectives. Et la devise de l'école, c'est la musique ensemble. Donc on a des ateliers dans tous les sens et ce sont ces ateliers de toute esthétique et de tout âge, donc de ados à adultes avancés qui vont se présenter sur la scène des 30 ans qu'on va monter. Donc oui, vous fêtez les 30 ans de l'école cette année, créée en 1995. Qu'est-ce qui est prévu à cette occasion ? Alors on fait un festival de musique collective amateur donc, qui va se passer sous la porte de la CRAF. Donc on transforme la porte de la CRAF en salle de concert éphémère. Donc ça, c'est, on est super content de ça. Gros challenge, mais on verra si on va le relever avec brio. Pourquoi ce lieu ? Parce que c'est chez nous. C'est chez nous, nous on est à les cours qui sont juste au-dessus et on est hyper content de pouvoir, comme on n'a pas de salle d'auditorium à l'intérieur de notre propre structure, d'avoir l'idée d'investir ce lieu-là comme a pu le faire en fait le NJP avec le Nancy Jazz Craft. Ils ont fait deux éditions auxquelles d'ailleurs on était associés en tant que partenaire et je les en remercie, ça nous a donné l'idée de se dire « Eh, pourquoi pas nous ?» et de transformer ce lieu qui est un peu le nôtre puisqu'on est au-dessus de la porte de la Craft. On est locataire, on a le bail de l'Esplanade par exemple, ça donne une idée. C'est nous qui avons une convention pour recevoir les guinguettes, donc on fait des fois nos petits galas de restitution sur l'Esplanade. Là, on voulait se protéger de la pluie, vu l'investissement qu'il y a en termes de com, en termes d'énergie, de projet et de nombre de musiciens qu'on va mettre sur scène. On voulait pas prendre le risque de se prendre la sauce. On est en Lorraine tout de même, soyons prudents. Donc, on s'est dit, hey, super idée la voûte. Alors, ça pose plein de problèmes administratifs de sécu, mais on est en train de les résoudre avec le soutien des services techniques de la ville. Et ça, c'est top. Et donc, du 8 au 11, on sera avec quasiment 4-5 concerts par soir, donc 4-5 groupes par soir qui joueront entre une demi-heure et trois quarts d'heure sous la porte de la CRAF dans des esthétiques qui vont aller de salsa à rock en passant par jazz impro, jazz standard, gospel, rhythm and blues, etc., etc. Oui, c'est ça. Donc côté programmation, plein de styles musicaux. En fait, c'est tous les ateliers qui jouent chez nous en pratique collective vont se retrouver sur scène pour nous présenter leur travail de l'année. Donc c'est super. C'est un peu ce qu'on faisait avant dans les lundis de l'ACA. Donc on avait 5 ou 6 concerts là qu'on groupe en un seul festival finalement pour fêter vraiment et marquer le coup de ces 30 ans et on est super content d'avoir autant d'éclectisme à proposer et en apprentissage aux Nancyens et du Grand Nancy et de la métro et autant d'esthétiques différentes à présenter au public qui voudra venir. Alors évidemment ça s'adresse principalement aux proches des gens qui seront sur scène mais c'est un spectacle qui va être entièrement gratuit sur 4 jours, totale gratuité, donc venez découvrir. Puis si vous avez des velléités de pratiquer du métal, du folk, du rap, de la salsa, venez chez nous, on a ces compétences-là et on le prouve en les mettant sur scène. Et donc préparés par les élèves de l'EMAN, comment ils se sont préparés pour cet événement ? Alors ils répètent toutes les semaines, c'est des répés hebdomadaires. Il faut savoir que les adultes ont 1h30 de répétition hebdo sur 35 semaines ouvrables et que les ados c'est 1h leur créneau horaire. Voilà. Donc ils bossent et on leur met des intervenants le plus compétents possible. Quasiment tous les intervenants EMAN sont des musiciens pro-livers, c'est-à-dire que c'est et des pédagogues et des gens en exercice, j'ai envie de dire, pour qu'ils importent cette pédagogie et cette validation des autres musiciens et du public auquel ils se confrontent. Nous, on est vraiment axé live et restitution et c'est ce qu'on va essayer de prouver à l'occasion de ces 30 ans. C'est à tout le monde chez nous à sa place sur scène parce qu'on on forme à ça, quoi. C'est combien d'élèves en tout, les man ? Wow ! Beaucoup. Alors, là, on doit être... On est hyper fiers d'avoir battu notre record. Ça fait 5 années de suite qu'on bat notre record d'adhésion. On est à 380 et des brouettes. On doit pas être loin du 390 cette année, sachant qu'on a pris l'école après la crise Covid à 240-250 max, quoi. Donc on est super content de cette évolution. On va pousser les murs, on a plus de place. Voilà, on est pas loin de full capacité. Aux alentours de 400, on sera full capacité, je pense. On aura plus de place, on va pousser des murs, construire des salles. Si on revient sur les 30 ans de cette école, vous y êtes depuis 5 ans à la tête de l'EMAN. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un temps fort qui vous a marqué ? Ouais, plusieurs. Moi, j'ai vraiment adoré quand l'autre canal nous a intégrés à bon moment. Et c'était hyper frustrant pour nos adhérents sur scène parce qu'ils pouvaient jouer que deux titres. Donc, on a fait passer 16 groupes amateurs, deux titres. Et tout ça, la grosse fierté de Lehman et de l'autre canal, c'est d'avoir réussi à faire tenir 16 groupes dans les clous. On a commencé à l'heure, on a fini à l'heure. C'est autant vous dire qu'on a une école de rigueur en termes de live. Et ça, c'était un moment très important. Après, moi, je retiens aussi toutes les prestats qu'on a pu faire à l'ACA, qui est devenu un partenaire privilégié. Je salue Malek, que je remercie à cette occasion, qui nous reçoit comme le mieux possible. J'ai pas de mots tellement il est amical. Et c'est super d'avoir ce qu'on appelle un taulier de bar qui, je vais essayer de pas faire un anglicisme, je voulais dire cares about, mais à qui ça importe la musique, vraiment. Il se préoccupe. Ouais, il se préoccupe. Merci. Je suis des Jean-Claude Van Damme en live, c'est un scandale. Et il nous a reçus de manière magnifique. Cette année, les 30 ans vont venir un petit peu au détriment de notre présence à l'ACA. On va faire qu'un seul concert à l'ACA. Et parce que tous les ateliers vont pouvoir exprimer tout leur répertoire sur la scène des 30 ans, alors qu'avant, ils le faisaient dans le cadre d'un café-concert. C'est-à-dire que Lehman, on a toujours trois rendez-vous. Un rendez-vous grosse scène, qui d'habitude est l'autre canal qui est remplacé par les 30 ans. Un rendez-vous CAF-Cons. Là, on ne le fait pas puisque tout le monde passe avec son rep. Et un rendez-vous un peu plus bucolique, un peu plus familial. Qui est le gala de fin d'année. Voilà nos trois temps forts. Donc moi, les temps forts que je retiens, c'est le premier autre canal qui était énorme ici, mais la rencontre à l'extérieur, parce que nous on fait vraiment de la musique pour être ensemble, c'est-à-dire déjà sur scène, mais aussi communiquer ce plaisir de la musique aux gens en face et au public. Et c'était super de ramener une proposition culturelle supplémentaire, toujours en gratuité, j'insiste beaucoup, que ça soit à l'ACA. Bon moment, je crois me souvenir que c'était en prix libre, faudrait vérifier à l'époque. Mais en tout cas, quand on a pu rejouer à l'autre canal l'année dernière, c'était aussi en entrée libre. Et on y tient beaucoup parce que c'est des productions amateurs, voilà. Et pour terminer, un mot sur le futur de l'école des musiques actuelles de Nancy. Vous avez des attentes, des projets à venir ? À fond. On développe, là, on a fait deux ateliers d'initiation, j'ai parlé rapidement, en folk et métal, et ça a bien pris, on est super contents, on est complètement dépassé par la demande folk, donc c'est super, on est complet, en métal, on a encore de la place, on espère pouvoir recruter là-dessus, et surtout, on a déjà le projet d'ouvrir ces classes-là l'année prochaine, donc maintenant c'est acquis, il y aura l'année prochaine Metal et Folk en plus de la programmation dont je vous ai parlé, que vous verrez aux 30 ans, donc salsa, jazz, rhythm and blues, rock, etc. Il faut savoir qu'on a 7 ateliers rock quand même à Lehman, c'est pour vous dire, 3 ateliers de jazz avec des niveaux différents, mais surtout des orientations différentes. Et donc, objectif, augmenter l'éclectisme de notre offre à ce métal-là, donc qui est déjà en place sur 2 sessions d'initiation. On a encore de la place pour l'initiation métal et qui sera ouvert. Et enfin, un dernier et troisième atelier qui va être Tambour du Bronx, donc pour les batteurs débutants ou légèrement avancé, on va faire un atelier pour défoncer des bidons d'huile le plus fort possible. ça va être cool. Donc bilan positif pour les 30 ans de Lehman. Ça je vous dirai après. En tout cas, on a très envie de les faire. On va pas parler du bilan avant d'avoir essuyé le feu du live. Non, mais c'est cool. Je voudrais juste dire un mot, parce qu'il faut des remerciements. Vous savez, on est une association très soutenue. J'ai cité les financeurs qui participent à notre fonctionnement. Je voudrais remercier rapidement Germain Parizeau, qui est notre graphiste de Dotline Slow, Rémi Margelon du lycée Sifflet, qui nous fait à tarif incroyable associatif toute la com, qui nous imprime les flyers, les affiches, et enfin Brent Olive qui va nous ouvrir cette toilette PMR, ce qui nous aide énormément pour l'organisation d'un événement comme ça où on doit répondre aux exigences PMR d'un lieu d'accueillant du public. Merci à tous. Et merci à vous, Pacho Ménard, d'avoir répondu à nos questions. Donc, merci Fadjet. Vous êtes le directeur de l'école des musiques actuelles de Nancy. Les 30 ans de Lehman, c'est du 8 au 11 mai sous la porte de la CRAF. Et c'est tout gratuit. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.